329e chapitre. Nouvel ennemi. « Bon !» s'écria Fabien. « Nous voilà débarrassés de ces messieurs. Mais quel est l'ennemi auquel nous allons avoir affaire ?»« Un lion, peut-être » murmura Francis. « Il n'y a pas de lion par ici. Un tigre, alors ?»« Encore moins. Ce n'est pourtant pas un buffle qui a poussé le rugissement que nous venons d'entendre. » Quelques secondes s'écoulèrent. Francis et Fabien n'osaient bouger de l'endroit où ils se trouvaient. Le bruit avait cessé. On n'entendait plus que les cris lointains des oiseaux. « Nous n'allons pas demeurer ici jusqu'à demain, » dit le Parisien. « Il faut prendre une décision. Voyons, l'aéro doit se trouver ici, sur la droite. Il faut prendre nos jambes à notre cou et courir dans sa direction. » Le Parisien avait à peine achevé ces mots qu'un nouveau hurlement se fit entendre. Presque au même instant, une énorme bête apparut entre les roches. « Un ours !» s'écria Francis. C'était en effet un ours, un de ces terribles ours d'Amérique connus pour leur férocité. Fabien épaula son arme, visa lentement et pressa la détente. L'ours fit un bond, poussa un rugissement formidable, puis se mit à fuir avec une vitesse folle. On sait en effet que l'ours, dès qu'il est blessé, commence par battre en retraite. Mais cette fuite n'est que momentanée, car il ne tarde pas à revenir attaquer ses agresseurs. Il n'y a aucun animal sur lequel les naturalistes n'aient autant varié que sur l'ours. L'ours noir et l'ours brun forment deux races bien distinctes. Le brun n'est que farouche, le noir est féroce et carnassier. L'ours noir, nous apprend M. Dupratz, qui faillit être dévoré par l'un de ces animaux, paraît l'hiver dans l'Amérique du Nord et descend de plus en plus vers le sud. Il est arrivé quelquefois que ces animaux ont dévoré des hommes, pourtant il y en a qui sont moins carnassiers. Dans le temps que je demeurais au Natchez, il y eut un hiver si rude dans les terres du Nord que ces animaux descendirent en grande quantité. Ils étaient si communs qu'ils s'affamaient les uns les autres et étaient très maigres. La grande faim les faisait sortir des bois qui bordent le fleuve. On les voyait courir la nuit vers les habitations et entrer dans les cours qui n'étaient pas bien fermées. Ils y trouvaient des viandes exposées au frais. Ils n'y touchaient point et mangeaient seulement les grains qu'ils pouvaient rencontrer. C'était assurément dans une pareille occasion et dans un besoin aussi pressant qu'ils auraient dû manifester leur fureur carnassière, si peu qu'ils eussent été de cette nature. Ils n'ont jamais tué d'animaux pour les dévorer, et pour peu qu'ils fussent carnassiers, ils n'abandonneraient pas les pays couverts de neige où ils trouveraient des hommes et des animaux à discrétion pour aller au loin chercher des fruits et des racines, nourriture que les bêtes carnassières refusent de manger. M. Dupratz ajoute dans une note que depuis qu'il a écrit cet article, il apprit avec certitude que dans les montagnes de Savoie, il y a deux sortes d'ours. Les uns gris, comme ceux de la Louisiane, qui ne sont point carnassiers, les autres noirs, qui sont aussi carnassiers que les loups. Le baron de la Hontan dit que les ours du Canada sont extrêmement noirs, qu'ils sautent sur les hommes. Il dit aussi que ces ours sont méchants, qu'ils viennent effrontément attaquer les chasseurs. Vormius a écrit qu'on connaît trois ours en Norvège, le premier très grand, qui n'est pas tout à fait noir mais brun, et qui n'est pas si nuisible que les autres, ne vivant que d'herbes et de feuilles d'arbres, le second plus petit, plus noir, carnassier, et attaquant souvent les chevaux et les autres animaux, surtout en automne. Le troisième, qui est le plus petit de tous, et qui ne laisse pas d'être nuisible. « Il se nourrit, dit-il, de fourmis, et se plaît à renverser les fourmilières. On a remarqué, ajoute-t-il sans preuve, que ces trois espèces se mêlent et produisent ensemble des espèces intermédiaires. » Que ceux qui sont carnassiers attaquent les troupeaux foule toutes les bêtes comme le loup et n'en dévore qu'une ou deux. Que, quoique carnassier, il mange des fruits sauvages et que, quand il y a une grande quantité de sorbes, ils sont plus à craindre que jamais parce que ce fruit acerbe leur agace si fort les dents qu'il n'y a que le sang et la graisse qui puissent leur ôter cet agacement qui les empêche de manger. Mais la plupart de ces faits rapportés par Vormius me paraissent fort équivoques, car il n'y a point d'exemple que des animaux dont les appétits sont constamment différents, comme dans les deux premières espèces, dont les uns ne mangent que de l'herbe et des feuilles, et les autres de la chair et du sang, se mêlent ensemble et produisent une espèce intermédiaire. D'ailleurs, ce sont ici les ours noirs qui sont carnassiers et les bruns qui sont frugivores. L'ours est non seulement sauvage, mais solitaire. Il fuit par instinct toute société. Il s'éloigne des lieux où les hommes ont accès. Il ne se trouve à son aise que dans les endroits qui appartiennent encore à la vieille nature. Une caverne antique dans des rochers inaccessibles, une grotte formée par le temps dans le tronc d'un vieil arbre, au milieu d'une épaisse forêt, lui servent de domicile. Il s'y retire seul, y passe une partie de l'hiver sans provisions, sans en sortir pendant plusieurs semaines. Cependant, il n'est point engourdi ni privé de sentiments, comme le loir ou la marmotte, mais comme il est naturellement gras et qu'il l'est excessivement sur la fin de l'automne, temps auquel il se recèle, cette abondance de graisse lui fait supporter l'abstinence, et il ne sort de sa bauge que lorsqu'il se sent affamé. Il paraît que la mère a le plus grand soin de ses petits. Elle leur prépare un lit de mousse et d'herbe dans le fond de la caverne et les allaite jusqu'à ce qu'ils puissent sortir avec elle. Le mâle et la femelle n'habitent point ensemble, ils ont chacun leur retraite séparée et même fort éloignée. Lorsqu'ils ne peuvent trouver une grotte pour se gîter, ils cassent et ramassent du bois pour se faire une loge, qu'ils recouvrent d'herbes et de feuilles au point de la rendre impénétrable à l'eau. La voix de l'ours est un grondement, un gros murmure, souvent mêlé d'un frémissement de dents qu'il fait surtout entendre lorsqu'on l'irrite. Il est très susceptible de colère, et sa colère retient toujours de la fureur et souvent du caprice. Quoiqu'il paraisse doux pour son maître, et même obéissant lorsqu'il est apprivoisé, il faut toujours s'en défier et le traiter avec circonspection, surtout ne le pas frapper au bout du nez. On lui apprend à se tenir debout, gesticuler, à danser. Il semble même écouter le son des instruments et suivre grossièrement la mesure. Mais pour lui donner cette espèce d'éducation, il faut le prendre jeune et le contraindre pendant toute sa vie. L'ours qui a de l'âge ne s'apprivoise ni ne se contraint plus. Il est naturellement intrépide, ou tout au moins indifférent au danger. L'ours sauvage ne se détourne pas de son chemin, ne fuit pas à l'aspect de l'homme. Cependant, on prétend que par un coup de sifflet, on le surprend, on l'étonne au point qu'il s'arrête et se lève sur les pieds de derrière. C'est le temps qu'il faut prendre pour le tirer et tâcher de le tuer. Car s'il n'est que blessé, il vient de furie se jeter sur le tireur et l'embrassant des pattes de devant, il l'étoufferait s'il n'était secouru. On chasse et on prend les ours de plusieurs façons. La manière, dit-on, la moins dangereuse de les prendre est de les enivrer en jetant de l'eau-de-vie sur le miel qu'ils aiment beaucoup et qu'ils cherchent dans les troncs d'arbres. À la Louisiane et au Canada, où les ours noirs sont très communs et où ils ne nichent pas dans les cavernes mais dans de vieux arbres morts sur pied et dont le cœur est pourri, on les prend en mettant le feu dans leur maison. Comme ils montent très aisément sur les arbres, ils s'établissent rarement à ras de terre, et quelquefois ils sont nichés à 30 et 40 pieds de hauteur. Si c'est une mère avec ses petits, elle descend la première. On la tue avant qu'elle soit à terre. Les petits descendent ensuite, on les prend en leur passant une corde au cou, et on les emmène pour les élever ou pour les manger, car la chair de l'ourson est délicate et bonne. celle de l'ours est mangeable, mais comme elle est mêlée d'une graisse huileuse, il n'y a guère que les pieds, dont la substance est plus ferme, qu'on puisse regarder comme une viande délicate. La chasse à l'ours, sans être fort dangereuse, est très utile lorsqu'on l'a faite avec quelque succès. La peau est, de toutes les fourrures grossières, celle qui a le plus de prix, et la quantité d'huile que l'on tire d'un seul ours est fort considérable. On met d'abord la chair et la graisse cuire ensemble dans une chaudière. La graisse se sépare. Ensuite, on la purifie en y jetant, lorsqu'elle est fondue et très chaude, du sel en bonne quantité et de l'eau par aspersion. Il se fait une détonation et il s'en élève une fumée épaisse qui emporte avec elle la mauvaise odeur de la graisse. La fumée étant passée et la graisse étant encore plus que tiède, on la verse dans un pot où on la laisse reposer 8 ou 10 jours. Au bout de ce temps, on voit nager dessus une huile claire qu'on enlève avec une cuillère. Cette huile est aussi bonne que la meilleure huile d'olive et sert aux mêmes usages. Au-dessous, on trouve un saindoux aussi blanc, mais un peu plus mou que le saindoux de porc. Il sert aux besoins de la cuisine et il ne lui reste aucun goût désagréable ni aucune mauvaise odeur. Monsieur Dumont, dans ses mémoires sur la Louisiane, dit de plus que d'un seul ours on tire quelquefois plus de 120 pots de cette huile ou graisse, que les sauvages en traitent beaucoup avec les Français, qu'elle est très belle, très saine, très bonne, qu'elle ne se fige guère par un grand froid, que quand cela arrive, elle est tout en grumeaux et d'une blancheur à éblouir, qu'on la mange alors sur le pain en guise de beurre. Nos épiciers ne tiennent point d'huile d'ours, mais ils font venir de Savoie, de Suisse ou du Canada de la graisse ou axonge qui n'est pas purifiée. La quantité de graisse dont l'ours est chargé le rend très léger à la nage, aussi traverse-t-il sans fatigue des fleuves et des lacs. Les ours de la Louisiane, qui sont d'un très beau noir, traversent le fleuve malgré sa grande largeur. Ils sont très friands du fruit des plaqueminiers. Ils montent sur ces arbres, se mettent à califourchon sur une branche, s'y tiennent avec une de leurs pattes et se servent de l'autre pour plier les autres branches et approcher d'eux les plaquemines. Ils sortent aussi très souvent des bois pour venir dans les habitations manger les patates et le maïs. En automne, lorsqu'ils se sont bien engraissés, ils n'ont presque pas la force de marcher, ou du moins, ils ne peuvent courir aussi vite qu'un homme. Ils ont quelquefois près de 10 doigts d'épaisseur de graisse aux côtés et aux cuisses. Le dessous de leurs pieds est gros et enflé. L'ours a les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher très bons, quoiqu'il ait l'œil très petit relativement au volume de son corps, les oreilles courtes, la peau épaisse et le poil fort touffu. Il a l'odorat excellent et peut-être plus exquis qu'aucun autre animal, car la surface intérieure de cet organe se trouve extrêmement étendue. On y compte 4 rangs de plans de lames osseuses, séparés les uns des autres par 3 plans perpendiculaires, ce qui multiplie prodigieusement les surfaces propres à recevoir les impressions des odeurs. Il a les jambes et les bras charnus comme l'homme, l'os du talon court et formant une partie de la plante du pied, 5 orteils opposés au talon dans les pieds de derrière, les os du carpe égaux dans les pieds de devant. Mais le pouce n'est pas séparé et le plus gros doigt est en dehors de cette espèce de main, au lieu que, dans celle de l'homme, il est en dedans. Ses doigts sont gros, courts et serrés l'un contre l'autre, aux mains comme aux pieds. Les ongles sont noirs et d'une substance homogène, fort dure. Il frappe avec ses poings comme l'homme avec les siens, mais ses ressemblances grossières avec l'homme ne le rendent que plus difforme et ne lui donnent aucune supériorité sur les autres animaux.